Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique. Un livre écrit sans doute pour contrer l'idée que l'histoire, le livre d'histoire, serait un regard froid, non engagé. Un livre écrit pour transmettre une éthique. Une histoire des hommes pour la jeunesse, en suivant les traces écrites de l'histoire et, bien avant cela, les traces non écrites de l'histoire. Dans Carousel, Ruth Stegessy recevait le 25 octobre 1996 l'historienne Suzanne Citron. Eh oui, ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre, c'est Carousel, le magazine des livres et des spectacles pour la jeunesse. Et bonjour, pour inaugurer ce nouvel horaire, dont vous vous êtes certainement rendu compte, ce nouveau studio que vous ne voyez même pas, et pourtant je vous affirme qu'il existe, pour inaugurer toutes ces nouveautés, eh bien un petit plongeon dans l'histoire, un petit retour en arrière dans le temps, sur nous-mêmes, sur l'histoire des hommes racontée par Suzanne Citron. Suzanne Citron, bonjour. Bonjour. C'est tout à fait exceptionnel que je reçoive un auteur comme vous à c'est Carousel. Vrai Mais oui, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai, puisque Carousel, c'est tout de même plutôt un magazine littéraire en général. Mais votre Histoire des hommes, qui est un livre d'histoire, un livre même que vous mettez dans la continuation du Petit Lavis. Ça m'a tout à fait étonnée quand vous m'avez dit ça il y a 2 minutes. Mais il se lit comme un roman. Je ne le mets pas dans la continuation, mais on m'a dit que... Et dans la rupture. Plutôt dans la rupture. Vous avez vu comme je suis taquine, hein, tout de suite. Plutôt dans la rupture, mais tout de même, vous faites référence au Lavis. C'est plutôt que, ayant démoli le Petit Lavis et considérant qu'il continue à véhiculer des schémas dans la tête des Français qui me semblent tout à fait périmés, voire dangereux, alors j'ai proposé un regard qui n'a finalement aucun rapport avec celui du Petit Lavis. Et ça donne ce livre étonnant, l'histoire des hommes, où j'ai eu le sentiment constamment que vous étiez un capitaine à la tête d'un navire en train d'essayer de redresser la barre en permanence. On a ce sentiment, vraiment. C'est vrai, moi j'ai plutôt vécu l'écriture de ce livre comme une sorte de parcours à la fois extérieur et intérieur. Et c'est vrai, au fond, j'ai fait une sorte de traversée, maintenant vous m'y faites penser. Traversée du temps, on redémarre de très très loin. On part de Lucie, si c'est vraiment elle, notre grand-mère à tous, on ne le sait même plus aujourd'hui. Puisque c'est peut-être même un grand-père. Oui, et puis on aboutit, c'est toujours l'Afrique d'ailleurs, on aboutit à Mandela, parce que Mandela c'est un point d'espoir dans notre si terrible 20e siècle qu'il est dur de raconter aux jeunes. Et j'aimerais bien qu'on reste dans cette métaphore maritime que je vous propose, puisqu'on a le sentiment à vous suivre dans cette histoire, qui est une histoire de bruit et de fureur, vraiment l'histoire de l'homme, l'histoire de l'humanité. On a le sentiment que vous prenez des points de repère, et toujours en disant, attention, les repères ne sont jamais sûrs. Aujourd'hui, on pense ça, mais autrefois, on pensait autrement. Vous remettez, en quelque sorte, vous déplissez systématiquement toutes les idées reçues, vous les défroissez, vous les remettez à plat. Et toujours en disant, c'est relatif, on ne sait pas. Oui, d'une part, il faut insister sur le relatif, parce que il ne faut pas que les enfants s'imaginent, parce que c'est écrit dans le livre, que c'est forcément absolument vrai. Donc je crois que leur donner cette distance est important. Et puis, comme j'essaye de jeter un regard qui mondialise le passé, Alors à ce moment-là, je mets complètement en question les repères qui servent encore de base au programme du collège, par exemple, Antiquité, Moyen-Âge, temps moderne, ces vieux repères qui ont été produits. Je crois même que le terme de temps moderne n'apparaît pas une seule fois. Non, et j'ai quand même expliqué le mot Renaissance, mais en expliquant comment il avait été fabriqué dans quel contexte. À savoir que les humanistes européens du 15e et du 16e siècle redécouvraient des textes qu'ils avaient perdu de vue et l'imprimerie le facilitait. Et donc, ils redécouvraient ce qu'ils appelaient, eux, l'Antiquité, comme une sorte de paradis extraordinaire. Et entre l'Antiquité et eux-mêmes, c'était le Moyen-Âge, les temps barbares, et donc cette expression de Moyen-Âge péjorative et qui a structuré en fait le regard traditionnel sur le passé européen ou français. Ou français, car effectivement les idées reçues françaises sont prises les unes après les autres et démolies les unes après les autres. Oui, alors là je dois dire que c'est une bataille très difficile de mettre ces choses en question, parce que malheureusement le programme actuel de Bayrou, notre ministre actuel, en fait, alors là par rapport au petit Lavis, il n'y a pas énormément de changements, parce qu'on propose aux enfants de CM1 et de CM2 une histoire tout à fait traditionnelle, qui n'a pour seul objectif que de leur donner une conscience nationale, et qui reste dans les textes, construite autour de Vercingétorix, naturellement Clovis, Charlemagne, etc. C'est-à-dire les grands personnages que nous trouvons dans les anciens manuels. Alors vous donnez à tout ça une ampleur bien plus large, puisque systématiquement vous resituez dans un contexte. La France apparaît, bien sûr, l'Europe apparaît, mais toujours dans les époques que vous traversez, puisque tout de même vous faites une traversée des époques, sans reprendre les terminologies traditionnelles, Antiquité, Moyen-Âge, etc. Mais on repart effectivement de Lucie, et puis on a ce que vous appelez l'âge ancien, l'ancien âge, et l'âge moderne. Oui, l'âge nouveau. L'âge nouveau, voilà. Et mais c'est pas New Age. Non, surtout. Effectivement. C'est peut-être pour ça que vous avez transformé en âge moderne subrepticement là. Mais il y a des années, j'avais été frappée par une phrase de quelqu'un qui n'est pas historien, et ce n'est pas un hasard, c'est Claude Lévi-Strauss qui avait écrit que au fond il y avait deux grandes dates dans l'histoire de l'humanité, la révolution néolithique et la révolution industrielle. Et je pense que ces grands repères sont effectivement des repères opératoires pour comprendre le présent, alors que ceux qu'on vient d'évoquer et qui avaient un sens pour une culture un peu aristocratique au XIXe siècle, ces repères ne sont pas explicatifs du présent. Donc je me suis un peu reportée à cette grande division, et j'ai consacré une partie à expliquer les grands bouleversements du néolithique qui apportent à la condition humaine, avec des décalages selon les continents, mais des transformations qui se retrouvent à peu près identiques. Mais tout de même, le néolithique, la révolution industrielle, il y a une large marge qui sépare les deux. Donc comment est-ce que vous arrivez ensuite, à l'intérieur de ça, à structurer, parce que l'auditeur qui n'a pas encore lu le livre va s'affoler en disant « Oh là là, oui, qu'est-ce qui sert de balise là-dedans ?» Oui, on va essayer de le rassurer. Oui, et oui. En précisant que pour les enfants qui ont l'habitude de ces divisions traditionnelles, j'ai fait un petit encadré dans une page pour leur expliquer un peu comment je transformais les repères, et surtout pour leur dire que ces divisions traditionnelles n'ont aucun sens ni pour l'histoire juive d'ailleurs, l'islam, l'Asie, l'Afrique, et que donc une histoire mondialisée devait fonctionner autrement. Mais Ce qui est intéressant d'ailleurs, j'étais en train de me dire, c'est que sans les nommer, vous reprenez un peu toutes les questions de l'historiographie contemporaine. C'est toutes les questions de l'histoire de l'histoire. Ces questions de l'histoire qui malheureusement sont trop peu étudiées sur un plan, disons, universitaire en France. On a beaucoup de difficultés à faire pénétrer l'idée même d'une historiographie critique. Mais pour en revenir à votre question précédente, alors, donc, entre le néolithique et 1500, qui est la date de le point de départ de l'européanisation du monde, donc, ce que j'ai appelé l'âge nouveau, j'ai introduit une période de 3000 ans, un peu simplifiante, de moins 1500 à plus 1500, mm-hmm. que j'ai effectivement, vous le disiez tout à l'heure, appelé l'ancien âge, mais qui prolonge au fond les transformations du néolithique. Voilà, que vous avez structuré autour des premiers bouleversements, c'est-à-dire que vous avez suivi à la trace ces bouleversements et vous avez montré comment ils ont irrigué la vie, la société, les sociétés. Les sociétés, tout en laissant quelques espaces qui n'ont pas connu les transformations du néolithique, mais qui sont de plus en plus restreints sur tous les continents. Et alors là, à la lecture, ça donne une image un peu tectonique. On voit des mouvements, des choses des masses qui se structurent, qui se mettent en place, qui sont encore un peu mouvantes, qui bougent. Ce sont les cités-états, toutes ces empires, les premiers empires, etc. Donc on sent des choses qui se mettent en place. Oui, et en même temps, enfin, je me suis d'ailleurs référé à des travaux d'ethnologues et de préhistoriens, parce que justement, je pense qu'il faut décloisonner. Si on veut essayer de comprendre l'ensemble, on ne peut pas être un historien spécialisé d'une période. Et donc, j'ai appris moi-même, et donc j'ai essayé de le transmettre, qu'on peut penser, c'est une hypothèse, mais que l'inégalité dans les sociétés néolithiques s'est constituée d'une façon beaucoup plus précise à partir du moment où l'agriculture a permis des stocks. Des réserves, oui. Des réserves. Et donc, à ce moment-là, il y a des familles plus puissantes que les autres qui prennent le pouvoir. Et donc, on peut discerner là une transformation qui va se prolonger, en fait, d'ailleurs là, jusqu'à nos jours. Et alors là, Suzanne Citron, pour moi, c'est la deuxième grande remarque à faire autour de votre livre. J'ai parlé de ce côté, vous avez parlé du décloisonnement, ce que moi j'appelle le déplissage, le défroissage, cette volonté, l'ampleur, voilà, cette volonté toujours de resituer les choses dans le monde, dans le vaste monde, et ça donne vraiment un sentiment d'espace quand on le lit. Et le deuxième grand sentiment, le deuxième grand fil conducteur pour moi qui traverse votre livre, c'est la morale. Oui. C'est une lecture très morale de l'histoire. Et disons que, contrairement à l'idée que l'histoire serait un regard froid, non engagé, qui je pense d'ailleurs de toute façon une illusion, parce qu'il y a toujours un engagement mm-hmm. quelque part, effectivement, il y a derrière la volonté de transmettre ce qu'on pourrait appeler une éthique, voilà, une les droits de l'homme, ouais. Ayant lu notre passé, les jeunes aient envie de se battre pour que ce monde très dur trouve quelques petits projets de transformation et en tout cas pour leur donner le sens que on n'est jamais complètement écrasé et que on peut toujours quelque part entreprendre un combat pour C'est un livre engagé dans ce sens, en effet. C'est un livre aussi qui, curieusement, se construit un peu comme une spirale. C'est-à-dire qu'on a le sentiment, un peu, qu'on part d'un âge relativement simple et pacifique et doux, et que plus les choses avancent, et plus cette spirale du bien et du mal prend de la force et de la consistance. Oui, je n'affirme pas qu'aux origines, l'homme était pacifique et, et doux, puisque je leur explique qu'il y a plusieurs hypothèses et qu'au fond, on ne saura jamais exactement ce qu'était l'homme dans les premiers temps. Mais il est vrai que, puisque je termine sur une dernière partie qui est le XXe siècle, que j'appelle le choc des âges, c'est vrai qu'on est obligé de regarder ce XXe siècle avec, rétrospectivement, avec effroi, parce qu'il s'y est passé sans doute les choses les plus terribles, peut-être, de l'histoire de l'humanité. Les choses les plus terribles et les progrès les plus inouïs. Et les progrès. Le c'est pour ça que je parle de cette spirale, oui. De cette, on pourrait dire, dialectique, bien sûr, du bien et du mal, mais c'est vraiment, vous le mettez en valeur d'une façon tout à fait saisissante. Et vraiment, on a le sentiment, je vous disais, de bruit et de fureur. Et plus on avance dans le temps, et plus le choc est violent. En même temps, j'ai essayé de leur faire comprendre comment, ce qui est assez énigmatique, comment au XVIIIe siècle, l'idée de qu'on pouvait lutter contre l'inégalité, qu'on pouvait améliorer les sociétés, a germé dans ce que les intellectuels européens de l'époque ont appelé le mouvement des Lumières, avec beaucoup d'illusions d'ailleurs, parce qu'ils pensaient vraiment... Voilà. Là, vraiment, ils croyaient qu'ils allaient créer un âge nouveau, mais je le donne quand même comme un repère... important dans ce que cette base éthique de mon propos. Mais toujours avec cette volonté de ramener les exclus à la surface, de rappeler par exemple qu'à l'époque des Lumières, eh bien, les femmes n'étaient pas concernées par ces questions-là, qu'on pensait tout de même que les paysans n'avaient pas besoin d'apprendre à lire. Oui, Voltaire en particulier. Voltaire, par exemple. Et vous avez toujours cette volonté de faire réémerger les absents, les oubliés. Et voilà pourquoi les choses deviennent si complexes et douloureuses à mesure qu'on avance. Oui, c'est vrai que un des propos, c'était de parler de ceux que j'appelle à un moment les anonymes, voilà, de l'histoire, dont d'ailleurs certains historiens essayent de retrouver des traces, et il y a tout un travail malgré tout qui est en train de se faire, mais effectivement, c'est l'un de mes propos. D'ailleurs, à propos des anonymes, autre ligne de force de votre livre, c'est tout ce travail que vous faites autour de l'écriture. Tout ce que vous montrez, la façon dont l'écriture a structuré, fait avancer les connaissances, a structuré les sociétés, etc. Donc vous montrez l'importance de l'écriture, tout en expliquant que les preuves, les traces non écrites sont également importantes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus négliger tout ce qui reste non écrit des sociétés. Oui, et que l'écriture, avec tout ce qu'elle a apporté d'extraordinaire dans le progrès de la connaissance, est en même temps l'occasion de ce qu'on appelle aujourd'hui la fracture sociale, puisque pendant des siècles pendant des millénaires, il y a eu tous ceux qui étaient exclus de l'écriture et qui donc, en un sens, n'appartenaient pas à l'histoire, parce qu'on ne parlait pas d'eux, parce qu'ils n'avaient pas transmis de texte. Un livre donc dans lequel vous rassemblez tout le monde, vous ramenez les gens, en quelque sorte. Peut-être, ça, tant mieux si j'ai réussi à les rassembler quelque peu. Ce n'est pas une mince histoire que de rassembler les hommes dans l'histoire. Et un livre que vous destinez aux enfants, donc vous avez fait, me disiez-vous, des efforts d'écriture démesurés pour que les phrases soient simples, lisibles. La mise en page aussi aide. Oui. Et sert ce projet-là. Ça, la mise en page, c'est mon éditrice Charlotte Truffaut à qui je suis redevable de tout ce travail de présentation. Donc, l'histoire des hommes racontée par Suzanne Citron, à lire pour le plaisir, vraiment. À lire pour faire ses propres révisions historiques et puis pour découvrir parfois des choses auxquelles on n'avait pas pensé, tout simplement. C'est aux éditions Syros. Suzanne Citron, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Carousel, c'est terminé pour aujourd'hui. Carousel qui vous a été proposé par Ruth Stegassi. À la réalisation, Marie-Laure Collin. Mixage, Jacques Vinson. Thank you.